C'est l'une des histoires les plus mal connues de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas par hasard, car cette affaire a été longtemps couverte par le secret militaire. C'était compréhensible à l'époque, cette peu glorieuse opération a coûté des centaines de vies humaines et sa révélation aurait pu menacer le secret absolu qui entourait tous les projets alliés de débarquement sur le continent européen. Mais pourquoi certains détails sur cette catastrophe ont-ils dormi si longtemps dans les archives alliées ? Et existe-t-il encore à ce propos des mystères qui n'ont pas été percés ? Si j'ai demandé à M. X d'ouvrir pour moi ce dossier, c'est non seulement en raison du proche anniversaire du débarquement de juin 1944, mais aussi parce que France Bleu et France Info coéditent à cette occasion un nouveau livre dans la célèbre collection « Paroles 2 », dirigé par Jean-Pierre Guénot. Dans cet ouvrage « Paroles du jour J », d'anciens acteurs du débarquement font allusion à cette étrange histoire, une histoire calamiteuse dont le déroulement a précédé de quelques semaines le débarquement en Normandie, mais qui a bien failli en compromettre l'initiative. Dans un instant, la vérité sur l'opération Tigre, avant-première malheureuse du jour J. Dès que les États-Unis sont entrés dans la guerre et ont commencé à se concerter étroitement avec la Grande-Bretagne, il est apparu qu'Hitler ne pourrait pas être vaincu sans un débarquement sur le continent européen même. Ouais, ça paraissait évident, non ? Pas tant que ça. Certains stratèges pensaient que des campagnes massives de bombardement sur l'Allemagne suffiraient à faire reculer les troupes du Troisième Reich et amèneraient Hitler à capituler. D'accord, enfin, un jour ou l'autre, il faudrait quand même bien conduire des opérations terrestres. Dans un deuxième temps, oui. Bon, je ne veux pas remonter trop loin, mais avant de vous parler plus précisément de l'opération Tigre, il me faut évoquer ce qui se passe en 1942. La situation est alors délicate pour les Alliés. Sur le front de l'Est, l'armée rouge est en grande difficulté. Et en Afrique du Nord, les troupes de Rommel vont de succès en succès et menacent de prendre le Caire et donc de s'emparer de la grande base navale d'Alexandrie. Il faut donc riposter vite. Mais Américains et Britanniques ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre eux là ? À Washington, on pense qu'il faut ouvrir au plus vite un front en Europe de l'Ouest pour obliger Hitler à dégarnir son front de l'Est. Une opération qui permettrait à l'URSS de se ressaisir ? Oui, essentiellement pour soulager l'armée rouge. Ce que demande Staline avec insistance d'ailleurs. Au contraire, à Londres, on estime que le plus urgent est de prendre les Allemands à revers en débarquant en Afrique du Nord, tout en préparant une manœuvre de désinformation visant à faire croire à Hitler qu'une invasion aura lieu tôt ou tard en Europe. Vous savez que tout au long de la guerre, les Britanniques seront les maîtres de la mystification. Ça, je sais, oui. Il y a donc conflit entre Washington et Londres. Et ça va très loin. Enfin, allons vite. Pour une fois. Je vous en prie. Les Américains n'en démordent pas. Ils veulent un débarquement en Europe, plus précisément en Normandie. Les Britanniques, qui sont bien informés, rétorquent que cela demande une longue préparation et qu'une opération hâtive conduirait inéluctablement à un échec. Toutefois, comme l'état-major américain insiste, Churchill finit par céder. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Ce sera le désastre de Dieppe. Oui, oui. À la mi-août 42, 6000 hommes, dont une majorité de Canadiens, vont se lancer à l'assaut des côtes françaises à Dieppe. Les Allemands, qui étaient manifestement au courant, les taillent en pièces. Il y aura plus de 3500 morts. Mm-hmm. Attendez, vous avez dit les Allemands qui étaient au courant, ça veut dire quoi ça ? Que leur service de renseignement avait certainement percé le secret de cette tentative de débarquement. Je n'exclus pas que les Britanniques eux-mêmes les aient alertés. Mais comment là c'est... Deux jours avant. Un commando avait effectué de nuit un raid dans la région de Barfleur. Un commando britannique ? Oui. Il fallait pas plus pour persuader les généraux allemands que quelque chose se préparait sur la côte normande. Des généraux qui ont aussitôt renforcé la défense de la côte. Mais si c'est ce que vous dites est vrai, là, c'est monstrueux, non ? Parce qu'on a quand même envoyé à la mort des milliers de soldats. On peut voir les choses comme ça. Toutefois, Churchill pouvait aussi considérer que le désastre de Dieppe comportait beaucoup d'aspects positifs. Faut expliquer, là, c'est pas clair. D'abord, pour les états-majors alliés, Dieppe était une sorte d'expérimentation grandeur nature. Ils pouvaient en tirer de nombreux et précieux renseignements en vue d'un futur débarquement. Oui, des enseignements sur les fautes à ne pas commettre. Exactement. Et aussi sur les capacités de riposte des troupes du Troisième Reich. Mais il y avait aussi autre chose. Churchill était maintenant en mesure de dire aux Américains, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et en attendant de préparer une opération de grande envergure, nécessitant des centaines de milliers d'hommes et la concentration en Angleterre d'un formidable potentiel militaire, il serait peut-être plus sage de songer à l'Afrique du Nord. Et ce sera bientôt l'opération Torche. Mmh. Oui, Torche, c'est le nom de code du débarquement allié au Maroc et en Algérie. En novembre 1942, oui. Alors, Churchill a donc gagné, face aux Américains, au prix des milliers de morts de Dieppe. Ben, c'est la vérité, oui. Et désormais, les Alliés vont patiemment préparer l'opération Neptune, c'est-à-dire le débarquement de juin 1944. Aux États-Unis, la formidable machine industrielle de guerre se met en mouvement. On va y construire des quantités encore jamais vues de bateaux, de transports de troupes, de barges de débarquement, des bombardiers, des véhicules et des armes, bien entendu. Bien sûr. Et pendant ce temps, la Grande-Bretagne devient un gigantesque camp militaire truffé de terrains d'aviation et d'installations de toutes sortes. C'est-à-dire une grande base arrière pour le débarquement en Normandie. Oui, c'est ça. Et simultanément, les Alliés mettent au point la plus grande opération de mystification jamais imaginée. Mais ça, c'est Fortitude. Ce qui veut dire force d'armes. Oui, enfin, je résume à grand. Fortitude poursuit deux objectifs principaux. Persuader Hitler que les débarquements auront lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire là où la distance est la plus courte entre l'Angleterre et la France. Ça me paraît assez logique, non ? D'autant qu'en Normandie, il n'existe pas de port en eau profonde entre le Havre et Cherbourg. Ouais. Donc les Allemands peuvent faire l'impasse sur la Normandie ? Non, pas une impasse totale quand même. Le fameux mur de l'Atlantique sera aussi construit en Normandie. Mais c'est vrai que l'absence de port est capitale. Vous savez sans doute ce qu'a répondu Montgomery aux généraux alliés qui refusaient que les débarquements aient lieu en Normandie pour cette raison. Eh bien, s'il n'y a pas de port, nous l'emmènerons avec nous. Et effectivement, tout de suite après le débarquement, des barges acheminons sur place les éléments préconstruits de véritables ports artificiels. Oui, c'est d'ailleurs inimaginable cette histoire. Et le deuxième objectif de Fortitude ? Ben, il faut faire croire aux Allemands que le débarquement n'interviendra pas avant le mois de juillet 1944. Et pour aboutir à cette mystification sans précédent, les services britanniques, car ce sont eux essentiellement qui vont piloter cette désinformation, vont se livrer à une débauche d'imagination. Enfin, vous devez être au courant. Mmh. Oui, la fausse armée concentrée dans l'est de l'Angleterre en face des côtes françaises. Oui, oui, des centaines et des centaines de faux blindés qui sont en fait des leurres gonflables. Et les bâtiments tout aussi fictifs. Oui, et puis il y a les opérations d'intoxication. Naturellement. Des agents allemands retournés sont chargés de donner de fausses informations à leurs anciens maîtres. Et vous m'avez raconté, hein, il y a déjà un certain temps, qu'un réseau entier de résistants français sera sacrifié à seule fin de tromper les nazis. Hein. Oui, souvenez, le réseau prospère. Mmh. Un vrai drame sur le plan humain. Et une véritable réussite sur le plan opérationnel. Car on avait fourni à ces résistants de fausses informations sur le débarquement. Et on s'est débrouillé ensuite pour qu'ils tombent aux mains de la Gestapo. Sous la torture, ces malheureux ont donné aux Allemands les informations qu'ils détenaient. Ouais, les fausses informations. Oui, enfin, non pas, puisque nous avons déjà évoqué cette bien triste histoire. Et voyons comment se prépare Neptune, dans le plus grand secret, sous la houlette du général Eisenhower, nommé commandant en chef de l'opération. Avant de poursuivre, là, est-ce que le choix de la Normandie a été entériné très tôt ? Oui, parce que la côte normande offre de grandes plages de sable, où si on débarque à marée basse, on peut se poser avant de détruire les systèmes de défense de l'ennemi. Autre chose, tous les militaires qui ont connaissance du plan ou d'une partie du plan font l'objet d'une formation et d'une surveillance particulière. On leur a attribué un nom de code étrange, Bigot. Bigot, ce qui veut dire bigot, comme en français ? Oui, ou encore fanatique, enfin peu importe. Ce que craint par-dessus tout l'état-major de Neptune, c'est qu'un de ces bigots ou bigotes ne se laisse pas aller un jour ou l'autre à une indiscrétion. Et vous allez voir dans cette affaire que je veux vous raconter, ce souci du secret va jouer un grand rôle. Les bigotes disposent de laissez-passer spéciaux qui leur permettent d'accéder à des bureaux interdits aux autres militaires. Ils sont autorisés à lire les documents frappés du cachet Bigot et disposent de systèmes de communication codés. Brouillés, quoi. C'est ça. Vous voyez donc qu'on a pris un luxe de précaution pour préserver le grand secret. Mais la question la plus importante, c'est de juger de la possibilité réelle de débarquer en Normandie et de s'y installer durablement avant d'entamer l'offensive décisive en France, puis plus tard en Allemagne. Je pense que les généraux alliés ont tiré déjà les leçons de l'échec de Dieppe. Ah, bien sûr. Et les militaires vont mettre au point toute une série de techniques nouvelles pour éviter un nouveau désastre. La construction, par exemple, de blindés capables de détruire les pièges installés sur les plages par les Allemands. Ou encore la conception de blindés amphibies capables de flotter dès qu'ils auront quitté les rampes des barges de débarquement. En effet, à Dieppe, beaucoup de tanks avaient sombré purement et simplement. Comment ces lourdes machines là, peuvent-elles flotter ? Ah ben, grâce à des flotteurs gonflables. Mais tous ces systèmes ont beau être plus ingénieux les uns que les autres, rien ne vaut pour assurer le succès de l'entreprise qu'une répétition. Il y a déjà eu Dieppe. Ah oui, mais Dieppe est bien loin. Non, il faut exécuter une vraie répétition avec les vrais acteurs, avec les vrais nouveaux matériels. Et c'est là que notre histoire commence. l'histoire de l'opération Tigre. Dans l'excellent livre de Gilles Perrault, Le secret du jour J, j'ai trouvé ces quelques lignes sur ces bigots dont m'a parlé Monsieur X. Le général Batz veille sur ces bigots avec une inquiétude de mère poule. Mais ils sont plusieurs centaines. Comment savoir si un mauvais canard ne s'est pas glissé dans cette nombreuse couvée, malgré les enquêtes approfondies menées par les services de sécurité? Comment être sûr que le whisky écossais n'entraînera pas des caquetages inconsidérés? Avant le débarquement d'Afrique du Nord, on s'interrogeait à tue-tête, dans les bars de Londres, sur les meilleurs hôtels d'Alger. Et si l'ennemi venait arracher un bigot à l'aile protectrice de Thomas Batz? Puisque les commandos alliés lancent des raids sur le continent, pourquoi les Allemands ne feraient-ils pas de même sur la côte anglaise? Ce serait moins difficile pour Otto Skorzeny que de kidnapper Mussolini au sommet du Grand Sasso. Il pourrait sélectionner quelques SS par l'anglais et les habiller d'uniformes alliés. Leur éventuel accent de ton n'étonnerait personne, car l'Angleterre grouille de troupes de toute nationalité qui ne parlent pas l'anglais le plus pur quand elles le parlent. Le livre de Gilles Perrault a été publié par Fayard. Pour réaliser une répétition vraisemblable du débarquement, il faut d'abord trouver un site. Des plages qui ressemblent peu ou prou à celles de Normandie. Et qui se trouvent en Grande-Bretagne, là où a été regroupée la formidable armada alliée. Et les stratèges anglo-saxons fixent leur choix sur la baie de Lyme, au sud du pays, dans le Devon, près de Plymouth. C'est précisément la plage de Slapton Sands qui offre le plus de ressemblance avec ce qui figure sur les plans de Neptune, sous le nom de Utah Beach. Oui, près de Utah Beach, près de Sainte-Mère-l'Église. Oui. Le Devon est une région charmante, parsemée d'adorables villages. Mais la guerre est la guerre, et tous les habitants sont priés de quitter leur maison et d'aller s'installer ailleurs. L'armée doit pouvoir aller et venir dans la zone en toute tranquillité. Et discrètement, j'imagine. Ah ben, c'est évident. Car si l'ennemi, avant de ce qui se prépare à Slapton Sands, c'est tout le secret de Neptune qui risque d'être éventé. Mais une reconnaissance aérienne allemande n'aurait-elle pas pu arriver à un tel résultat? Certes. Toutefois, à ce moment-là, c'est-à-dire au printemps 44, l'aviation alliée avait pratiquement la maîtrise du ciel et il était difficile, sinon impossible, à un appareil allemand de survoler les côtes anglaises sans être aussitôt pris en chasse et abattu. Autre difficulté de taille, cette répétition grandeur nature qui doit voir l'intervention de l'aviation, de la marine et armée de terre va entraîner forcément un accroissement du trafic radio. Mmh. Or, de l'autre côté de la mer, les Allemands écoutent. Bien sûr. Et il pourrait facilement en déduire que les forces alliées se livrant à des manœuvres dans le sud-sud-ouest de l'Angleterre débarqueront en Normandie. Alors, comment pallier cette nouvelle difficulté? Grâce à la ruse. Les Britanniques disposaient de 3 agents nazis capturés puis retournés. Je crois me souvenir que l'un d'eux avait pour nom de code Brutus. Ordre leur fut donné de transmettre par radio à leurs anciens employeurs que les manœuvres autour de Slapton Sands n'étaient que le premier exercice d'une série de répétitions avant les débarquements prévus en juillet 1944. Oui, c'était crédible. Bien sûr, parce que ça mêlait des vraies informations, les manœuvres de Slapton Sands, et des fausses, la date du débarquement. C'était malgré tout un dernier point à régler avant de passer aux travaux pratiques. La résistance française pouvait, elle aussi, être trompée par ces exercices intenses. Et croire que l'heure du débarquement était venue, c'est exactement. Ça Exactement. Et elle aurait pu s'engager à fond dans le combat contre les Allemands au risque d'être décimée. D'où un message de Churchill, lu à la BBC, faisant état de rumeurs de fausses attaques. Message destiné aux résidents français, oui, bien sûr. Et ces difficultés étant résolues, la répétition générale peut commencer? Oui, c'est l'opération Tigre. En fait, elle a déjà commencé avec le génie qui a travaillé pendant des semaines à reproduire exactement les fortifications allemandes d'Utah Beach, grâce aux photographies aériennes et sans doute aussi aux renseignements fournis par la résistance. En outre, ces mêmes hommes du génie ont multiplié les obstacles sur la plage, barbelés, mines, etc. Et ces manœuvres, alors, vous mobilisez combien d'hommes? Près de 30 000 hommes. 300 embarcations et 2500 véhicules embarqués doivent être engagés. Le plan prévoit ceci. Une division américaine doit débarquer à Slapton Sands, balayer les défenses ennemies et s'enfoncer dans l'intérieur du pays où elle fera la liaison avec 2 autres divisions censées avoir débarqué sur d'autres plages. Alors, ça veut dire qu'il y a des figurants là qui représentent l'ennemi? Oui, 500 défenseurs qui ont pour ordre de s'engager totalement et de tirer à balles réelles sur les assaillants. Balles réelles, ça me paraît quand même extraordinaire. Vous ne savez pas qu'au cours de manœuvre, on utilisait de vraies munitions? Je sais, mais il fallait que cette répétition soit le plus proche possible de la réalité. Ah, quitte à tuer quelques soldats son propre camp. Hélas, oui. Et c'est aussi ce qui s'est produit, tant dans les rangs des Américains qui jouaient le rôle des assaillants que dans celui des défenseurs tenus par les Britanniques. Eh ben. Alors quand commence exactement cette répétition-là? Le 27 avril 1944, au petit matin. C'est-à-dire à peine 5 semaines hein, avant le vrai débarquement. Et ce qui veut dire que s'il y a des leçons à en tirer, il faudra faire fi ça pour les mettre en œuvre. Or, des leçons, effectivement, il y en aura. Car ça commence très mal. Pour des raisons qui n'ont jamais été éclaircies, quelqu'un donne l'ordre de repousser d'une heure leur hache. Qui quelqu'un? On sait qui? Eh bien non. Aussi extraordinaire que cela paraisse, Eisenhower ne découvrira jamais qui a pris cette funeste décision. On peut penser à un sabotage? Non, non, n'allons pas jusque-là. Mais ça montre en tout cas que la coordination entre le commandement et les différentes unités était pour le moins imparfaite. Dans le même ordre d'idées. On s'apercevra aussi que les radios des différents bâtiments engagés n'étaient pas calées sur les mêmes fréquences. Oui, donc impossibilité de communiquer entre elles, c'est ça? Et dans la confusion qui va s'en suivre, ça aura des conséquences dramatiques. Mais revenons au point de départ, et au premier exercice de Tigre. Le général Eisenhower et tout l'état-major allié ont pris place sur une barge afin de mieux surveiller les opérations. Et ça cafouille presque tout de suite. D'abord parce que les chars tardent à débarquer des barges. Il y a toujours cette histoire de leur hache là qui a été retardée. Certainement. Mais quand ils commencent enfin à descendre, premier accro, un des blindés coule. Et malgré ces fameux flotteurs là. Oui. Autre déception, les chars qui arrivent sur la plage tournent en rond en attendant que les sections d'assaut et les hommes du génie arrivent sur place pour attaquer et détruire les obstacles. Et Eisenhower se dit aussitôt que ces chars, dans les conditions d'une véritable bataille, auraient constitué des cibles idéales pour l'artillerie ennemie. Pourtant, tout n'est pas encore entièrement négatif. Quoi, par exemple? Les bombardiers exécutent leur mission au-dessus de la plage avec une précision tout à fait satisfaisante. Mais c'est à terre que tout va de travers. Et pour tout dire, Eisenhower est assez désagréablement impressionné par le commandement au sol. Les officiers paraissent en dessous de leur tâche et les hommes eux-mêmes ne semblent pas très enthousiastes. Dites-moi, c'est pas très rassurant tout ça. Et c'est alors que se produit le deuxième sérieux accroc. Certains équipages de chars ont mal réglé la hausse de leurs canons. Et cette faute, jointe à l'erreur de timing, aboutit à un véritable massacre. 150 soldats qui ont déjà sauté des embarcations d'assaut et se trouvent sur la plage sont tués. Soit par les chars, soit par les roquettes des défenseurs. Ça, c'est un véritable désastre. En effet. Mais le pire est encore à venir. La nuit suivante, vers 2 heures du matin, 3 convois prennent la mer afin de procéder à l'exercice suivant. Toujours une répétition de débarquement, hein? Bien entendu. Il s'agit essentiellement de débarquer du matériel lourd, toujours sur la plage de Slapton Sands. Lorsque les 3 convois font leur jonction à Portland, ils forment une ligne ininterrompue de près de 5000 de long. On a prévu une escorte de protection? Oui, 2 destroyers, mais qui ne sont plus de la toute première jeunesse. Le convoi, faut-il le préciser, est lent. Les barges, en particulier lourdement chargées en hommes et en matériel, ne peuvent naviguer très vite. Je vois où vous voulez en venir. Ce convoi est donc très vulnérable. C'est exact. Ouais. Et soudain, l'enfer va se déchaîner. Et croyez bien que je n'exagère nullement. Le cinéaste américain Samuel Fuller, affecté dans une unité d'élite légendaire, le fameux Big Red One, a participé aux entraînements de Slapton Sands avant de faire partie des premiers soldats US débarqués à Omaha Beach. Voici ce qu'il raconte dans un livre d'entretien. Une fois par mois, nous montions dans des camions, nous allions sur une plage, Slapton Sands, et nous nous entraînions pour le débarquement. On montait sur de petits bateaux en direction d'un navire où l'on abordait. Au troisième mois, des soldats anglais arrivèrent sur la colline avec de vraies munitions. Au quatrième mois, des généraux allaient et venaient tout le long de la plage, des généraux polonais, russes et américains. Ils regardaient ça. Nous avions perdu beaucoup de soldats, il fallait les remplacer. Et un soldat, on l'entraîne avec de vraies munitions. Au bout du cinquième mois, des jeunes gens avaient été blessés très grièvement. Son intervieweur lui demande alors ce qui se passait quand l'un d'eux mourait. Réponse du cinéaste. Sur le télégramme envoyé à ses parents en Amérique, il était écrit « tué dans l'action ». S'il regardait la date et le cachet de la poste, il savait que leur fils était en Angleterre et il n'y avait pas de combat contre les Allemands sur le territoire anglais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peut-être ne regarderont-ils pas le cachet ou ils penseront que c'est seulement le lieu de la notification, la date à laquelle on a envoyé la nouvelle. C'est important pour moi parce que là, il y a déjà une histoire, un scénario. Et comme le dit encore Fuller avec son humour macabre, ces soldats sont donc morts au cours de la répétition. Au printemps 44, les Alliés, je vous l'ai dit, avaient la maîtrise des airs. Mais aussi de la Manche, où les sous-marins allemands qui avaient fait tant de dégâts dans l'Atlantique n'osaient plus s'aventurer. À cause des radars, hein, bien servis. Et aussi du fait qu'en pénétrant les systèmes de la machine à coder allemande, Enigma, les Alliés savaient où et quand les U-boats étaient susceptibles de se trouver et d'attaquer. Mais demeurait pourtant un danger en mer. Les raids audacieux perpétrés par des vedettes lance-torpilles allemandes. Des engins extrêmement rapides qui pouvaient atteindre la vitesse de 40 nœuds. Basés à Boulogne-sur-Mer, ces vedettes représentaient un danger permanent pour les bateaux alliés qui naviguaient en Manche et en mer du Nord. À cause de leur vitesse? Bien sûr. Mmh. Elles pouvaient rattraper n'importe quel cargo ou transport de troupes. Or ce soir-là, 9 de ces engins maraudent au large des côtes anglaises. Un hasard? Je ne crois pas. L'important trafic radio a alerté les grandes oreilles allemandes de Cherbourg. Et les vedettes sont parties en quête de quelques proies à abattre. Et il y a quand même 2 destroyers d'escorte, là? Ils ont vite réalisé le danger quand ils ont découvert les bâtiments ennemis. Mais il est déjà trop tard. En outre, je vous le rappelle, il y a ce manque d'harmonisation des fréquences radio. Donc les équipages sont dans l'impossibilité de donner l'alerte aux navires du convoi. Et les vedettes allemandes ont le choix des cibles au milieu de ce long ruban de 5000 marins où les bateaux alliés naviguent à la queue leu-leu. Alors, par où commence-t-elle à attaquer? À 1h30 du matin. Un LST, c'est-à-dire un navire qui peut transporter jusqu'à 30 chars d'assaut, est frappé par une fusée éclairante, puis par une torpille. L'embarcation prend aussitôt feu, l'incendie étant alimenté par les réservoirs de carburant qui se trouvent à bord. Et finalement, le bateau explose, tue ou précipite à la mer plus de 90 marins et 150 des soldats qui y ont pris place. Peu de temps après, un autre LST, dont l'équipage vient d'assister à la catastrophe, est frappé à son tour. N'importe comment, si je vous ai bien compris, ces bateaux très lents n'avaient aucune chance d'échapper à leurs agresseurs. Non, aucune, non. Le bilan de cette deuxième attaque est encore plus dramatique. 120 marins et plus de 300 soldats tués. Les survivants se jettent à la mer, car le bateau coule. Quelques-uns sont repêchés à temps, mais dans cette mer encore très froide, d'autres périssent rapidement. En plus, circonstance aggravante, ces hommes ne savent pas se servir de leurs gilets de sauvetage, les fameuses mailles West. Beaucoup les attachent à la ceinture. Ah oui, au lieu de les attacher sous les aisselles. Eh oui, on retrouvera ces malheureux noyés, les pieds en l'air. Rapidement, vous pensez bien, c'est la panique dans le convoi. Un troisième LST est touché. Heureusement, son commandant réussit à mettre à l'eau des embarcations de secours avant que son navire n'explose. Mais les canonniers d'un autre LST essaient de riposter contre cet ennemi invisible. Résultat, il balaye le pont d'un cinquième bâtiment allié et précipite à la mer marins et soldats. Ouais, c'est la plus parfaite confusion. Et incontestablement. Ouais. Ouais. Et ça continue, là? Non, à la faveur de la nuit et de la fumée des incendies, les vedettes allemandes disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Mais des marins alliés ont vu l'une d'entre elles s'attarder et fouiller la surface de la mer à l'aide d'un projecteur. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Je vais vous dire pourquoi, dans un instant. En tout cas, le bilan de cette nuit est terrible. En un quart d'heure, 800 combattants ont péri et des centaines d'autres ont été blessés. Ajoutez à cela les 150 morts de la veille sur la plage. C'est un vrai désastre. Et en hommes et en matériel aussi? Bien entendu. Au milieu du convoi, il y avait 8 de ces LST porteurs de chars. Ce sont donc 90 blindés amphibies qui sont perdus. Mmh. Il y a 5 semaines du jour J, ça fait beaucoup. Ah, il faut aussi compter avec le déplorable effet psychologique sur le moral des hommes. Aussi, avant même d'analyser les causes de ce désastre et d'en tirer éventuellement les leçons, le commandement en chef impose-t-il le blackout total sur cette catastrophe? Personne ne devait savoir. Oui, oui. Les survivants ont même été menacés de passer en cour martiale s'ils divulguaient quoi que ce soit. Surtout à des civils, bien entendu. Et de fait, on ne commencera à parler de ce drame qu'en août 1944, bien après le débarquement. Mais toute la vérité ne sera pas révélée. Et ce n'est que dans les années 80 qu'on commencera à évoquer cette affaire. Pourquoi? Presque par hasard. Des promeneurs seront intrigués par la découverte sur la plage de Slapton Sand de pièces de monnaie et de débris divers comme des restes d'uniformes. Et peu à peu, une partie de la vérité émergera des sables de Slapton. Des vétérans prendront même l'initiative de repêcher un char Sherman et d'en faire un monument à la mémoire des disparus. Un monument non officiel, je le précise. Mais parce que l'armée répugnait toujours à reconnaître ce désastre? Aux États-Unis, il faudra attendre les années 90 pour que le Pentagone communique à ce sujet, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Et les leçons qu'on a tirées de ce terrible échec, alors? Le commandement suprême s'est mis en demeure de corriger les principales bévues. Et une autre répétition, nom de code Fabius, s'est déroulée quelques jours plus tard. Et pourquoi ce Fabius, ce nom-là ? Parce que c'était le nom d'un général romain qui avait trompé Hannibal en usant de manœuvres dilatoires. Mais bien que mieux protégé et sans apparition des redoutables vedettes allemandes, l'opération fut finalement interrompue à cause du mauvais temps. Ce qui ne fit qu'accroître l'angoisse des alliés jusqu'au 6 juin. Parce qu'ils n'étaient vraiment pas sûrs d'eux. C'est certain. Une anecdote. Mais elle vous indiquera combien, après la catastrophe de l'opération Tigre, les alliés doutaient du succès du débarquement. Le 5 juin au soir, le général Eisenhower rédige un communiqué destiné à être publié si le débarquement se traduit par un échec. Oui, au cas où. C'est ça. Et le général américain est tellement préoccupé qu'au lieu de dater ce document du 5 juin, il écrit 5 juillet. C'est dire sa nervosité. Oui, enfin, sa décharge, il faut dire qu'il commandait quand même l'une des plus fantastiques opérations militaires de tous les temps. C'est vrai. Mais enfin, je vous assure que Tigre avait laissé des traces profondes, et pendant longtemps. Alors, dites-moi pour finir, là, pourquoi la vue d'une des vedettes allemandes fouillant la surface de la mer a tant inquiété les alliés? Eh bien, parmi les militaires embarqués sur les LST se trouvaient des bigotes. Ah. Or, le lendemain matin, quand on fait le triste recensement des disparus, on s'est aperçu que 10 d'entre eux manquent à l'appel. Ils ont été tués. Vraisemblablement. Ou ils sont noyés. Mais il y a aussi la possibilité que, précipités vivants à la mer, certains aient pu être repêchés par l'équipage de cette vedette. Et ça, pour les alliés, c'est encore plus grave que le désastre de Slapton Sand lui-même. Parce que ceux ou ces bigotes auraient pu livrer tous les secrets du débarquement aux Allemands. Naturellement. Et pendant un instant, on envisage même de changer en toute hâte les plans de l'opération Neptune. C'est vous dire si au commandement suprême on est inquiet. Alors, avant de prendre une telle décision qui aurait sans doute conduit à un report du débarquement et peut-être au choix d'un autre lieu, on fait venir des hommes grenouilles chargés de récupérer tous les cadavres. Des recherches sont effectuées dans les épaves et entre les chars qui jonchent le fond sous-marin. Et le résultat, hein ? Les plongeurs remontent avec 10 plaques militaires, les plaques des 10 bigots manquants. Ouf, c'est bien ça. Bien entendu. Toutefois, coïncidence ou pas, une semaine après l'échec de l'opération Tigre, Hitler a décidé de renforcer la défense des côtes normandes, précisément là où les alliés devaient débarquer. Il y aurait eu un 11e bigote. Pourquoi pas? À moins tout simplement que Hitler n'ait pas cru totalement les informations livrées par les agents doubles retournés par les Britanniques et qui annonçaient un débarquement pour juillet 1944. Mais vous, votre avis ? Je ne crois pas au 11e bigote. Mais je pense que les services de décryptage allemands avaient fait d'énormes progrès et qu'en interceptant les transmissions radio de l'opération Tigre, ils ont tout compris. Je vous rappelle la récente parution du livre Parole du jour J, un ouvrage de Jean-Pierre Guénaud, coédité par France Bleu, France Info et les éditions des Arènes. J'en extrais ce témoignage. C'est celui d'un plongeur britannique, John Coxswain, appelé dès le lendemain sur les lieux du drame de Slapton Sands, un de ces hommes grenouilles qui a participé aux recherches des bigots. Nous avons commencé à patrouiller dans le secteur qui nous avait été dévolu. Le jour se levait quand nous sommes arrivés sur la zone. Il était évident que c'était le lieu du drame, à en croire l'incroyable quantité de débris qui flottait un peu partout. Le brassage des hélices avait fait remonter à la surface d'innombrables épaves et, ce qui semblait plus grave, un grand nombre de corps. Le commandant avait peur de fausser les hélices avec les débris. Il me demanda donc de descendre dans l'eau et de rapprocher un par un les corps à proximité du bord pour qu'ils soient hissés à bord. En cette 20 avril, l'eau était tout simplement glaciale. J'ai vite réalisé qu'il me faudrait m'agiter vigoureusement pendant les premières minutes pour arriver à m'acclimater. Dire que l'eau était froide relève de l'euphémisme. J'ai dû passer près de 2 heures dans l'eau pour récupérer tous les corps visibles. Certains étaient dans un état épouvantable. D'autres avaient été pris au piège sous le radeau, avec les bras et les jambes emmêlés dans les filets. J'ai dû nager sous l'eau pour les libérer en tranchant leurs entraves. Après être remonté à bord, frigorifié et grelottant, je ne pouvais plus m'arrêter de claquer des dents. Il y avait un silence absolu. Les moteurs étaient coupés. Il n'y avait plus le moindre ordre, le moindre cri. L'équipage parlait à voix basse et les oiseaux de mer eux-mêmes étaient silencieux. C'était un peu comme si le monde avait voulu rendre hommage à ces braves qui gisaient morts sur le pont.